Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et on poursuit sur le thème du sirop d'érable. Alors, juste à y penser, le temps des sucres nous fait déjà saliver, visiter des cabanes à sucre, voir le processus de fabrication et sentir l'arôme de la sève qui bout. En fait, ça n'a pas de prix. Par contre, pour produire 71% du stock de sirop d'érable mondial, les producteurs utilisent désormais la science et diverses technologies pour produire plus efficacement. Alors, rien n'est laissé au hasard. Alors, c'est Christiane Dupont qui va nous faire découvrir comment les producteurs s'y prennent aujourd'hui. Bonjour, Christiane. Bonjour, François. Alors, on évoque souvent l'image de la fabrication artisanale et à petite échelle du sirop dans une petite cabane à bois. Est-ce que c'est encore le cas? Mais oui, ça existe encore, évidemment. Beaucoup de gens ont des oncles ou quelqu'un quelque part qui a une petite cabane pour avec une production vraiment plus à petite échelle pour la famille, les voisins. Okay. Les authentiques petites cabanes en bois là où on voit toutes les chaudières puis tout ça. Donc, ça existe encore, évidemment. Mais c'est à petite échelle, ça? C'est quand même à petite échelle parce que ça dépend du nombre d'entailles. Mais pour, par exemple, dire, bon, ben nous, on va dans les épiceries métro, puis on veut comme... Pour avoir des distributeurs, puis avoir des stocks pour exporter, il y a des érablières qui sont beaucoup plus grosses maintenant. Il faut avoir maintenant une grosse production si on veut vendre dans les supermarchés. Exactement. Donc, c'est pas du tout le but de tous, mais il y en a que c'est leur vie de faire ça. C'est pas un à côté aussi, c'est leur gagne-pain. C'est pas rien qu'un plaisir. Il y en a que c'est vraiment leur travail. Donc, le principe de base, qu'on soit un petit producteur tout petit pour soi-même ou les gens à côté, ou un grand producteur, les étapes sont les mêmes, mais il y a des variantes, évidemment, des appareillages qui sont différents. Parce que, bon, à grande échelle, il faut que ça soit plus uniforme. L'uniformité est aussi importante. Oui, ça fait. Donc, bon, au départ, bien sûr, on a la sève. Hein, la sève d'érable, qui est la matière première. Pourquoi dans les érables, il y a de la sève? Pourquoi, on peut se poser? C'est parce qu'à l'automne, les arbres vont produire une réserve d'amidon. L'amidon, c'est une forme de sucre qui ne goûte pas sucré sur le coup. Il faut qu'il soit juste brisé. Et puis, ça agit un peu comme un antigel dans les racines. Donc, pendant l'hiver, il y a de l'amidon dans les racines des érables. Avec la fonte de la neige au printemps, l'eau va pénétrer dans les racines. Il va, entre guillemets, diluer l'amidon qui était conservé dans les racines. Et cette eau sucrée-là va commencer à circuler dans les arbres. OK. Non seulement qu'elle va le diluer, mais aussi le rompre en sucre plus petit, probablement. Exactement. Aussi, hein? Probablement. C'est ça. Et puis, donc, en préparation de la croissance. Donc, au moment du dégel, le bois va se dilater et la sève va monter. Ah, OK. Et, pour les températures idéales, hein, pour le temps des sucres, c'est que ça dégèle le jour et que ça gèle la nuit. Ça joue un peu comme une pompe parce que la nuit, le bois va se contracter, puis ça va descendre un peu plus bas vers les racines. Puis le jour, ça se dilate, ça monte. Donc, ça fait comme vraiment... Une pompe mécanique, c'est un ça? Un petit peu. Donc, c'est pour ça que c'est l'idéal parce que c'est là que la sève va vraiment couler. Qu'elle va voyager dans le tronc, en fait, exactement. C'est ça? Donc, voilà. Donc, c'est ça, c'est les bonnes conditions au départ. Faut les avoir parce que ça gèle trop. Puis, je crois qu'il y a des saisons plus difficiles parce que c'est des conditions qui varient. Puis, le printemps est une période assez capricieuse et très variable. Il peut faire trop chaud, trop froid, ou l'alternance n'est pas bonne. Ou ça gèle pas la nuit. Donc, c'est quand même assez. J'imagine que maintenant, il y a moyen d'aller jouer un peu avec ça, de quand même soutirer de la sève, mais ça reste que c'est quand même assez variable. Évidemment, il y a l'entaillage. Hein? On voit l'idée, on perce un trou, on met un petit chalumeau, une petite chaudière. Alors, les acériculteurs, qu'ils soient très gros ou petits, vont quand même percer un trou d'environ 1 cm de diamètre et de 5 cm de profondeur à l'aide d'une mèche. Et puis, il faut penser, ce trou-là, l'arbre va le colmater en 2 à 3 ans. C'est pas une blessure traumatisante pour l'arbre. Si on en faisait trop d'entailles, peut-être, mais il peut avoir plus qu'une entaille sur un arbre. Et si c'est bien fait, évidemment, et tout ça, ça ne va pas le tuer. Évidemment, ils n'ont pas intérêt non plus. C'est ça. Donc, ça ne dommage pas l'arbre à long terme. Donc, si je comprends bien, c'est que le chalumeau reste là. Oui. Et donc, il n'est pas enlevé à l'automne? Je ne pourrais pas vous dire. Je le sais pas, par exemple. Mais j'imagine que oui, probablement qu'il doit rester là plusieurs années. Ça se peut, mais en même temps, je ne suis pas certaine si c'est vraiment une bonne idée de toujours le remettre à la même place parce qu'il y aurait une genre de cicatrice qui se ferait. Le bois serait mort. Bonne question. Donc, je pourrais pas pousser, mais mon intuition me dirait que ça devrait pas rester toujours à la même place. Mais peut-être que je me trompe. Évidemment, après ça, il faut collecter la sève. Il faut la ramasser. Mm-hmm. On peut aller chaudière à métal, classique, en raquette, mais quand on fait faire à grande échelle, c'est peut-être pas super efficace. Malheureusement, c'est beaucoup moins romantique, mais beaucoup, maintenant, c'est des systèmes de tuyaux, hein, des genres en de tubulures. Si vous êtes allé dans un bois feuillu, boisé feuillu, vous avez probablement déjà vu ça parce que c'est installé à l'année longue. Oui, des fois, les tuyaux, ils restent là. C'est pas très beau. Pas très beau, mais bon, on peut vraiment deviner que c'est une érablière s'il y a des tuyaux qui se promènent dans le bois. Mais c'est beaucoup beaucoup plus rapide pour ouais, collecter. Mais ça m'inspire pas confiance, moi, sur la qualité de l'eau. J'ai toujours l'impression qu'il peut peut-être avoir des résidus de plastique. Bien, ça, c'est qu'elle serait un autre domaine, mais probablement. Uh-huh. C'est sûr, c'est de grade alimentaire, mais ça, je peux pas me pousser. Mais sûrement qu'il pourrait y avoir des études, quelque chose comme ça, pour s'assurer de la qualité de l'eau qui traverse. Une autre étape, mais qui est facultative, qui se fait pas toujours dans les méthodes très artisanales, c'est la concentration partielle par osmose inversée. Ça, c'est dans l'idée de diminuer le temps d'ébullition. Donc, c'est pour enlever de l'eau, sans enlever du sucre, c'est ça? Exactement, c'est ça. Donc, par osmose inversée, on va concentrer le taux de sucre sans avoir recours à l'ébullition, qui est l'autre processus suivant. Donc, ça sert à économiser de l'énergie, oui, finalement. Oui, exactement. Mais quand on est à petite échelle, des fois, on n'a pas toujours l'appareillage, on n'a pas toujours ça. Mais la question que je me pose, c'est qu'en faisant bouillir le sirop moins longtemps, est-ce qu'il y a moins de caramélisation aussi? Je ne sais pas, mais j'imagine qu'il y a probablement une petite différence qu'il faudrait étudier, parce que, bon, l'autre étape, c'est l'évaporation, justement, dans les évaporateurs, qui sont des grands réservoirs en métal. Et puis là, c'est là qu'on fait bouillir. Et c'est important parce que pendant l'ébullition, il y a des réactions chimiques qui vont donner la saveur, la couleur, genre de caramélisation, de concentration. Ça se peut que ça ait un effet. D'ailleurs, il faut faire bouillir le même jour de la récolte de la sève. On ne peut pas entreposer de la sève. Je crois que ça ne se conserve pas très bien, à moins d'ajouter quelque chose, peut-être plus d'acide ou plus de sucre dedans. Il faut environ 32 à 40 litres de sève pour faire 1 litre de sirop environ. C'est sûr, ça demande de l'énergie là, de faire bouillir tout ça. Mais ça réduit énormément, en fait. Oui, mais beaucoup de sève pour peu de sirop. Pour peu de sirop, mais en même temps, le sirop, on n'en utilise pas un litre par jour. Non. On ne prend pas une demi-tasse de sirop non plus, habituellement, en tout cas. Sauf d'être dans la cabane à sucre, là, quand on cumule tout ce qu'on mange. Puis, ça devient sirop quand la mixture atteint 104 degrés Celsius. OK. Et finalement, il faut aussi filtrer, parce que c'est bien beau avoir du sirop, mais pas avoir des petites impuretés, toutes sortes d'affaires, pour s'assurer d'avoir un beau sirop uniforme. Il y a toujours une filtration. Et après ça, subséquemment, on peut faire d'autres choses, du sucre d'érable, de la tire, toutes sortes d'autres produits. Des produits dérivés, effectivement. Exactement. Ouais. Bon, ça, c'est pour les petites productions familiales, mais qu'est-ce qu'il y en a pour les cabanes à sucre à plus grande échelle? Donc, les industries sont... Les industries. Ouais. Donc, il faut savoir qu'il y a environ 51% des érablières du Québec qui comptent 3 000 en taille ou moins. Donc, ça, c'est quand même la moitié des cabanes à sucre, c'est des petites cabanes à sucre. D'accord. Environ 12 % ont 10 000 en taille ou plus et 1 % a 30 000 en taille. Okay. Mais 30 000 en taille, c'est gros, là. C'est de la gestion, c'est des grosses productions. Il ne faut pas dire que c'est nécessairement 10 fois plus mauvais non plus. Je veux dire, c'est différent. C'est juste que c'est à très grande échelle. C'est ça. Donc, il faut gérer ça autrement. Et en 2007, on estimait que la valeur du sirop d'érable annuellement était estimée à 136 millions. Okay. Et puis en 2013, on estime qu'il y a 42,7 millions d'entailles au Québec. Ah, des millions d'entailles. Des millions d'entailles. Donc, c'est quand même... ça en fait de l'entaille. Il y en a des érablières quand même. Ça fait de l'eau d'érable qui coule, ça, là. Et puis, il faut aussi maintenant, il y a plusieurs instruments de mesure. Avant, c'est les Autochtones qui ont montré aux colons comment faire le sirop d'érable. Ils n'utilisaient pas d'instruments, c'était juste le savoir-faire qui se transmettait d'une personne à l'autre. Maintenant, on peut, pour avoir un stock uniforme, justement, qui se distribue, on a accès à du matériel. Il y a le réfractomètre, par exemple, qui va permettre l'évaluation de l'échelle de Brix. L'échelle de Brix, B-R-I-X, c'est une échelle qui est utilisée pour évaluer le pourcentage de matière sèche dans une solution, donc qui est souvent le sucre, finalement. Oui. Donc, avec ce genre, le réfractomètre, c'est des prismes et des lentilles. Ça permet d'évaluer, on met ça dans notre mixture, on est rendu où dans l'évaluation? Est-ce que c'est du sirop? Est-ce que c'est juste avant? Bon. Okay. On peut utiliser un densimètre ou un hydrotherme. Ça va mesurer la densité du sirop d'érable ou de la sève, selon si l'appareil s'enfonce ou non. Je n'irai pas dans les détails du fonctionnement. Exactement, donc c'est quelque chose d'important aussi. On peut utiliser un thermomètre, à bonbons, parce que c'est important de savoir la température. L'ébullition, c'est ça? Oui. Un analyseur de transmittance, ça permet d'évaluer. Il y a d'autres outils aussi qu'on peut utiliser, mais ça aide, c'est la transmission de la lumière à travers un liquide pour classifier les couleurs. Ah ben oui. Parce qu'il y a du extra clair, il y a du sirop clair, il y a du sirop médium, ambré ou foncé. C'est un fait. Souvent, on vend à l'épicerie du clair ou de l'extra clair. Souvent même assez extra clair. Alors que faut pas dénigrer non plus le clair ou le médium. Médium, des fois, est un peu moins cher. On dit moins bonne qualité, mais pas nécessairement. C'est vraiment selon des goûts. Oui, c'est un mythe, je pense qu'on disait que le sirop foncé était de moins bonne qualité. Non, pas nécessairement. Peut-être le très foncé a peut-être un goût particulier, mais le médium, c'est pas médium qualité, nécessairement. C'est vraiment pour la couleur. Il y a aussi un conductivimètre électrique. Ça permet, lors de l'osmose inversée, on veut savoir la concentration de minéraux, la conductivité, ça nous donne une idée de la concentration qu'on a dans notre solution. Donc, il y a plein d'appareils qu'on peut utiliser, un pH mètre aussi. Oui, donc, vraiment, maintenant, c'est plus instrumentalisé là, qu'avant, ça, c'est certain. Puis, dans les grosses dentelles, il doit y avoir un ordinateur, il doit avoir quelque chose qui vérifie tout ça. C'est un fait. Ouais. Alors, ça, c'est technique et ça suppose qu'il y a des recherches scientifiques dans le domaine de l'érable. Oui, bien, justement, il y a un centre au Québec, c'est le centre ASER, à Saint-Norbert d'Arthabasca. Donc, en plein bois franc. Oui, exactement, qui est la région de l'érable. Ben oui. C'est le seul centre de recherche en acériculture en Amérique du Nord. Donc, c'est vraiment né du MAPAC, en partie du MAPAC et de l'industrie, qui se sont dit on aurait besoin vraiment d'un centre dédié à ça pour essayer de maximiser qu'on peut faire avec le sirop d'érable, les sous-produits, améliorer le rendement de ce qu'on fait, tout ça. Très bonne idée, je trouve. Donc, ça effectue de la recherche, développement, transfert technologique, l'innovation et tout la ça. La connaissance, c'est ça. Exactement. Donc, il y a plusieurs thèmes de recherche pour préserver la ressource. Donc, on parle aussi, comment la santé de la forêt, des érables et pour que ça soit un écosystème aussi. Qu'est-ce que le transfert technologique? Bon, par exemple, des projets de recherche, c'est la préservation de la ressource, la qualité aussi, la valorisation des produits, parce que sirop d'érable, oui, mais il y a toutes sortes d'autres produits dont je vais parler dans deux secondes qui sont très intéressants, des nouveaux produits qui peuvent être développés. Les procédés de transformation, l'optimisation de la concentration et l'évaporation de l'eau d'érable, il y a toujours moyen de rendre ça moins énergétique, etc. Et développer des nouveaux produits. Et d'ailleurs, il y a des avancées scientifiques que je voulais communiquer. Je trouvais ça intéressant parce que, bon, les probiotiques, maintenant, c'est bien populaire dans les produits laitiers. Il y a des recherches au Centre ASER qui ont montré que les probiotiques pourraient survivre dans la sève d'érable avec une certaine concentration de sucre. Donc, on pourrait avoir un potentiel de commercialisation d'un produit à base de sève d'érable avec des probiotiques. D'accord. Aussi, des études sur les communautés microbiennes du sirop d'érable, parce qu'il y a quand même des micro-organismes, des levures qui vivent dans le sirop d'érable. Et puis, ça varie selon le temps et le lieu de production. Il y a eu plein d'analyses, tout ça. Et certaines levures vont améliorer la saveur. Par exemple, la présence d'une telle souche est liée à le saveur de vanille, par exemple. Il y a comme tout. Un peu comme le fromage, finalement. Exactement. Là. D'autres sont contaminants, mais il y a tout un monde à découvrir. Là, tout à fait. Aussi l'aspect chimique là, par rapport à la saveur, telle molécule, tout ça. Donc, il y a vraiment des études intéressantes. Alors, la sériculture, bien, c'est loin d'être un art du passé. En fait, c'est aussi en devenir. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des innovations, il y a des recherches, il y a de la valorisation des sous-produits et des surplus, parce qu'il y a des années, il y a des surplus. Quoi faire avec ça? Mm-hmm. Il y a toujours moyen d'utiliser cet or liquide qu'est le sirop d'érable. Effectivement. On va l'appeler l'or blond. L'or blond, oui. C'est bon. Alors, merci Christiane. Alors, on ne verra plus notre canne de sirop d'érable de la même manière maintenant. Merci. Alors, on va faire une pause publicitaire sur CKRL au 89 heures.